Vous mourrez dans d'atroces souffrances, et au lieu du jardin d'Éden, vous allez direct en enfer, jouer au Jenga avec Ben Laden. Oh, c'est une triste fin. Pour te consoler, une chanson bonus t'attend en plage 14.